7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Voilà, belle journée, bonjour et bon réveil, bandit à la planète. Il est tout juste 7h du mat, aujourd'hui on est le 7 février, on est heureux de vous retrouver. C'est la journée mondiale sans portable ce matin. Donc allez-vous réussir à pas envoyer de texto, à pas téléphoner, ça va être compliqué pour certains, mais bon, peut-être que vous allez y arriver. En tout cas, essayez, tentez le coup. La journée mondiale sans portable. Heureux d'être là, c'est Francky dans la radio. Jusqu'à 9h avec du son Caliente qui arrive et qu'on démarre avec Jérusalem. Ça, forcément, vous adorez à la radio, rien que pour vous réveiller. Bandi à la planète. Jerusalema, hija de Alami, hilo no lo sé, uhambenami, sumangishilana, Jerusalema, hija de Alami. ¿Qué pasa contigo? dímelo. Ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga, dice que pa' matar la tusa, que porque un hombre le pagó un mal. Getting some new days, sitting on a new face. Okay. 'Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met. You searching for a better bitch and you ain't met her yet. Hey yo, tell him to back off. He wanna slack off. Ain't no more booty calls. You gotta jack off. It's me and Carol G. We let them rats talk. Don't run up on us 'cause they letting the max off. Pero si le ponen la canción. Sur Orléans, on va nous retrouver, c'est Francky dans la radio avec Carol G, Nicki Minaj et Tuzza. Bon réveil et belle journée sur la radio couleur. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Le réveil matin et puis on est avec Marie-Jo au téléphone. Marie-José, bonjour. Bonjour. On t'appelle parce que dimanche il y avait Tony Carrera qui était au Zénith d'Orléans. C'était l'après-midi, je crois, c'est ça? Oui, c'est l'après-midi 16h, oui. Ça a été reporté la date à la base, c'était au mois de février. Et là, ouais. Donc alors, comment s'est passé ce beau concert? Un concert franchement formidable. Ouais. Avec du monde, énorme, oui. Et beaucoup de monde. Ouais, des fans, hein. C'est le lieu là-haut, au Portugal. Oui. Ouais. Oui. Alors, ce qui est drôle, entre guillemets, c'est drôle ou pas, mais toi, tu es française, hein, pas portugaise, et fan de Tony Carrera. Je suis française. Depuis combien de temps tu es fan de Tony Carrera? Depuis, on va dire une quinzaine d'années. Ah oui, quand même. Alors, qu'est-ce qui t'attire dans ce chanteur? Quoi, c'est sa voix, sa beauté, c'est... Ah ouais, déjà son physique. Ouais, ah ouais, beau gosse quand même, pour son âge, hein. C'est à fait. Ouais. Son physique, les chansons aussi, j'aime bien le style de chanson, puis la chanter comme en français, les chansons françaises. Ah ouais, c'est bien. Merci de ce petit témoignage avant que tu ailles travailler. Merci de nous avoir accordé cette petite minute. C'est très gentil, merci de m'avoir rappelé. Passe une belle journée, Marie-Jo, hein. Merci. Au revoir, Marie-Jo. Au revoir. Belle journée sur Radio Arc-en-Ciel en direct à la radio. Vous aussi, vous pouvez nous appeler si vous avez été au concert. Tiens, 02-38-43-48-00. Heureux d'être là, c'est Francky dans la radio. Jusqu'à 9h. Je vous rappelle, aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans portable. Alors, allez vous tenir, hein. This is the question, comme on dit. Est-ce que vous allez jouer le jeu ou pas? Vous pouvez aussi nous appeler 02-38-43-48-00, c'est le numéro du standard. Allez-vous vous passer de votre portable aujourd'hui? Réponse dans quelques minutes en direct. Coucou à José qui était aussi au concert. Salut mon José, tu peux nous appeler si tu veux pour le concert de Tony Carrera. Venez témoigner ce matin justement avec Francky qui arrive et Laislas Bonita sur la radio couleur. Belle journée et bon réveil. Just like I know the song, young girl with eyes like

your smile? Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me, Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, dès le matin, ça donne envie, envie de faire la fête, pourquoi pas. Vous avez peut-être fait la fête ce week-end chez vous, dans un resto, dans un bar. Bientôt la réouverture des discothèques, ce sera le 16 février. On va être là, c'est Francky dans la radio en direct. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Et on est là jusqu'à 9h, il sera notre invité tout à l'heure, c'est William Chancerel, adjoint au maire chargé de la culture, de l'événementiel et du tourisme. Il sera notre invité en direct à 8h30 dans les studios de la radio. Si vous avez des questions sur la culture, sur l'événementiel, posez à William, et bien n'hésitez pas, vous nous appelez 02 38 43 48 00 sous le soleil de la radio. Ah, un peu de zouk là, c'est le médicament. On en est avec les créateurs du zouk. Kassav, belle journée et bon petit déj. encore. Sous classe, c'est ça, médicament, mon île. Sous classe, c'est ça, médicament, mon île. Sous classe, c'est ça, médicament, mon île. Sous classe, c'est ça, médicament, mon île. Ce matin pour vous réveiller avec Kassav, les créateurs de Zouk, je vous le disais, dans les années 90, avec Zouk là, c'est le médicament Nouni. La météo. La météo pour ce matin, ben, ça va changer d'hier. Hein. Le ciel se dégage aujourd'hui, ce lundi matin. 2 petits degrés au lever du jour. On va dépasser les 9 à 10 degrés. Le soleil sera là avec quelques nuages, mais ça va faire du bien. C'est vrai qu'hier c'était grisâtre. Et la semaine sera ensoleillée mardi, mercredi. Le retour de la pluie, ça sera jeudi, vendredi. Normalement, samedi, ça devrait se maintenir avec le soleil, quelques nuages. Donc, belle journée, 3 jours avec du soleil. La journée la plus chaude, eh bien, ça sera mercredi avec que du soleil. Et 12 à 13 degrés. Le printemps qui arrive. Ah, ça va faire du bien. Ben oui, heureux d'être avec vous, Francky, dans la radio. 7h, 9h. Il vous accompagne au boulot. C'est Francky. Eh ouais, je vous accompagne même pour ceux qui sont en vacances avec Janet Jackson. bien le matin de se rappeler quelques bons souvenirs comme ça. Janet Jackson en direct à 7h28 avec Together Again. Heureux d'être avec vous. Et puis la Coupe d'Afrique, le Sénégal qui l'a remporté face à l'Égypte au tir au but 4-2. C'était, écoutez ça. Sadio Mané face à Gabaski. Eh ouais. Et c'est fait. C'est fait. Voilà. Bravo à nos amis sénégalais qui ont remporté cette Coupe d'Afrique face à l'Égypte. Bravo à nos amis égyptiens aussi. Ouais. Les Lions de la Teranga remportent la première. Ah, ils sont comme des fous là. Hein, voilà. Aliou Cissé a effacé la malédiction, la finale perdue de 2002. Ah, c'est la folie là. Ils sont les uns sur les autres. Le Sénégal, champion d'Afrique. Bravo à tous les amis sénégalais. Et si vous êtes sénégalais, appelez-nous ce matin, tiens. 02 38 43 48 00. Vous avez suivi le match en direct. Et pourquoi pas? Voici Greg, mon pote, Grégoire. C'est quand? C'est tout de suite. C'est 7h29. C'est quand que tu passes? C'est quand que tu me prends par la main? Et que tu me dis, allez, viens, on se casse. C'est quand la douceur? Chaleur de tes lèvres sur ma peau, c'est quand t'arrives. Dans combien de temps? C'est quand t'arrives et que tu me dis, allez viens, viens maintenant, c'est le moment. Dis-moi c'est quand? C'est quand? Quand? C'est quand tu m'emmènes? C'est quand que ça commence? Ça s'unit, ça prend guerre. Bonjour à Sébastien qui est connecté. Salut Francky, belle journée, merci de nous réveiller le matin. Même si je suis pas en vacances, je vais au boulot. Eh ouais, bon courage à vous parce que tout le monde n'est pas en vacances en tout cas. Bonnes vacances à tous nos amis, collégiens, lycées. Ouais, on vous passe le petit coucou. Bon, même s'ils sont pas encore réveillés. Du son qui arrive avec Sébastien Yatra, c'est pas l'apprentiel. Heureux d'être avec vous, c'est Francky. On est là jusqu'à 9h avec du soleil. Al rayons del sol et locura. Si yo no te vuelvo a ver. Falta tu cuando solo me pesa. Yo te juré amor eterno, pero eso ya no interesa. Hoy el amor ya no vale esa palabra. 7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Frankie. belle. Le soleil sera là aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle, avec quelques nuages. Mais bon, les températures sont plutôt pas mal, hein. Ouais, vivement le printemps. Coucou à Elena qui nous écoute du côté d'Olivet. Super concert de Tony Carrera dimanche. On aura d'autres témoignages au téléphone tout à l'heure en direct à la radio. Puis le meilleur des souvenirs pour bien vous réveiller. Le son des années 90, le début de la dance music avec Black Box, une française, et Run on Time. Yeah. cinturita, por elegancia de la señorita. Que la más inca se quita, y si se quita solo en la ropita. No se lo quita pa' besarle la boquita, guayándole la colita enterita, bebé. Cali se encendió, la temperatura caliente. Latiendo mi corazón, con su cuerpo tan ardiente. La rumba se formó, y acá hay un mar de gente. Que no se acaba ni nunca más, se dulce el solo el ambiente. Invité tout à l'heure à 8h30, William Chancel, adjoint au maire d'Orléans, chargé de la culture, de l'événementiel et du tourisme, sera dans nos studios de la radio pour répondre à nos questions. Ouais, bah, c'est pas le commissaire de police non plus, mais bon, comment est-il arrivé à cette carrière? Quels sont les nouveaux projets pour 2022? Eh bien, il nous parlera tout à l'heure de tout ça. Même si la culture et l'événementiel ont été bousculés par le Covid, eh bien, on commence à voir un petit peu le bout du tunnel. On en parlera avec lui tout à l'heure en direct à la radio. William Chancel sera notre invité. Merci Flavel et Netto. Uma menina me chamou, disse faz um tchutchá. Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar. Eu uma dança sensual em Goiânia já pegou. Menina explodiu, seu cantinho já bombou. Quando desta menina pode envolver ou vai pegar. Disse faz um tchutchá, pode entender e vai cansar. t'accompagne au boulot. Non, mais il reste mince, je t'en supplie, laisse-moi t'oublier, je ne peux pas lui faire ça. Ne joue pas avec le danger. Non, mais il reste mince, je t'en supplie, laisse-moi t'oublier, je ne peux pas lui faire ça. Et tu juegas con el peligro. Ça fait plus d'une semaine qu'il te décrit comme un poème. Il nous parle plein de toi, il vit sur un nuage depuis que tu vis dans ses bras. Hey, il a retrouvé le sourire depuis que tu es son avenir. Tu es devenu sa joie, mais tout a changé quand j'ai compris qu'il parlait de toi. Oh. Plus trop de tes nouvelles. N'es-tu pas content pour moi? Toi qui es mon ami, je sens que tu t'es loin de moi. Hey, à chaque fois que je suis avec elle, vos regards ne sont plus les mêmes. Je deviens parano quand mon ami m'a-tu planté un couteau dans le dos. Chanter dans la voiture comme Dimitri qui a mis Radio Arc-en-Ciel. Bonjour à Dimitri qui est sur la route du boulot aussi. Heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio jusqu'à 9h. On est en direct, 7h52 minutes. Ton rayon de soleil dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Et dimanche, c'était l'exclusivité sur Orléans, dimanche après-midi, le concert de Tony Carrera. Il était sur scène déjà des témoignages ce matin. Et puis pour avoir mieux encore, on a la présidente de la radio, Christine, qui était au concert de Radio Arc-en-Ciel, avec Radio Arc-en-Ciel. C'était Tony Carrera. Bonjour Christine. Bonjour Francky. Comment elle va bien ce matin? Ça va? Ça va. En pleine forme? Oh, oui, il faut. Bah, il faut le matin se lever, hein, aller au boulot, et puis sous le soleil aujourd'hui, ça c'est la bonne nouvelle. Tony Carrera, Radio Arc-en-Ciel était partenaire, c'était dimanche aux Élites d'Orléans, sur scène. Christine, c'était comment? Super. Il y a du monde. Génial. Ouais. Beaucoup de monde. Non, c'était un très très beau concert, beaucoup de monde. Et effectivement, les fans ont réussi à répondre présents. C'était un concert qui était reporté, c'était pas évident en peu de temps que les gens puissent se rendre disponibles pour retrouver ce concert, et c'était très très bien. C'est, il a réussi à nous mettre la petite larme à l'œil. Ah, toujours. Ah oui, non, c'était super émouvant et très agréable à l'entendre à nouveau sur scène. C'est vrai que Tony Carrera, bon, au Portugal, c'est, je sais pas comment on pourrait dire, un peu le grand Johnny en France, peut-être, malgré la disparition de Johnny, mais ça, c'est un peu ça, non? On peut peut-être pas comparer à Johnny, mais un peu à cette hauteur-là? À hauteur, oui, voilà, à hauteur, médiatique et on va dire artiste. Mais c'est vrai qu'il est plus un lover qu'un rocker. Ah, c'est un peu comme Julio Iglesias alors, c'est ça? Voilà, je dirais plutôt ça, oui. Ah ouais, vous les femmes, vous les charmes. Ah, j'aimais bien ça, Julio. Ouais. Ouais. Mais bon, en tout cas. C'était très bien, c'était très agréable de le revoir sur scène, suite à certaines tragédies qui lui sont arrivées dans sa vie, puis de Covid et tout ça. Ouais, c'est donc, vrai. Non, c'était très très bien. Eh ben voilà. Eh ben en tout cas, vous avez passé un bon concert. Il y a pas mal de messages qui arrivent sur les réseaux sociaux. Tout le monde a passé un excellent concert. C'est vrai, comme tu le disais, ça n'a pas été évident. C'était une date reportée. Ben, ils étaient présents, les fans de Tony Carrera dimanche. Hein. Voilà. Parfait. Eh bien, merci de ton témoignage. Merci à toi. Ben, bonne émission. Et puis, bonjour à tes auditeurs. Eh ben voilà. Ben, on vous passe le bonjour. Alors, bonjour à tous les auditeurs de la présidente de la radio. Voilà. Bonne journée, Christine. Également, merci. Merci. À plus tard. Au revoir. En direct à la radio ce matin, si vous aussi voulez témoigner, 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard, pourquoi pas. Et ouais, un peu de douceur qu'il y a dans ce monde de brut avec James Brown qui arrive et Goodbye My Lover. Did I disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown? 'Cause I saw the end before we'd begun. Yes, I saw you were blind and I knew I had won. So I took what's mine by eternal right. Took your soul out into the night. It may be over, but it won't stop there. I am here for you if you'd only care. And all my goals, and love is blind, and that I knew when my heart was blinded by you. I've kissed your lips and held your hand, shared your dreams and shared your bed. I know you well, I know your smell. I've been addicted to you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye. You have been the one for me. I am a dreamer, and when I wake, you can break my spirit. It's my dreams you take. And as you move on, remember me. Remember us and all we used to be. I've seen you cry, I've seen you smile. I've watched you sleeping for a while. I'd be the father of your child. I'd spend a lifetime with you. I know your fears and you know mine. We've had our doubts, but now we're fine. And I love you, I swear that's true. I cannot live without you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Il faut de la tristesse aussi le matin un petit peu, hein. Ouais, il a perdu un ami, bah ça y est, là on a fait une chanson, en tout cas on adore sur Radio Arc-en-Ciel. James Blunt avec Goodbye My Lover. Heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio jusqu'à 9h du soleil, je vous l'ai dit aujourd'hui. Et ben justement, El Rayos del Sol qui arrive. Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM avec Maluma. On vous souhaite bon courage à tous ceux qui vont bosser. Bah tout le monde n'est pas en vacances. Et puis pour tous ceux qui sont en vacances, bah profitez, reposez-vous avec les enfants, ça fait du bien. Maluma sur la radio. Y es que no puedo olvidar el sabor de tu boca. Otra no me da nota, no me sabe ni igual. Es que no puedo olvidar cómo tú te movías, cómo me veías pidiéndome más. Y es que no puedo olvidarte, olvidarte. Quiero volver a darte beso en toda parte. Es que no puedo olvidarte, olvidarte. Quiero volver a darte beso en toda parte. Seguro quiero darte, darte, darte miles de besos para enamorarte. Baby, tú eres como una obra de arte, que el mundo pueda verte y no tocarte, no. Baby, tú sabes que soy tu papi. Como su dedo y taqui, taqui. Soy Oscar y tú eres mi Cardi. Bebé, baby, tú sabes que soy tu papi. Como su te doy taqui taqui. Soy Oscar y tú eres mi Cardi. Es que no puedo olvidarte, olvidarte. Quiero volver a darte beso en toda parte. Es que no puedo olvidarte, olvidarte. Quiero volver a darte beso en toda parte. Nicky, Nicky, Nicky Jam. Baby, yo no sé qué hacer. Yo tengo un vicio vicio por tu piel. Si es que no quieres entender, tú vas a hacerme enloquecer. Moviéndome adentro de ti, siempre me da un final feliz. Toda la noche dándote porque te hicieron para mí. Baby, tú sabes que soy tu papi. Como su te doy taqui taqui. Soy upset y tú eres mi Cardi. Bebé, baby, tú sabes que soy tu papi. Como su te doy taqui taqui. Soy upset y tú eres mi Cardi. Y es que no puedo olvidarte. Olvidarte. Quiero volver a darte beso en toda parte. Es que no puedo olvidarte. Maluma, Nicky, Nicky Yam, j'adore, No Puedo Olvidar, j'espère que je dis bien, bah oui, sinon je vais me faire engueuler, hein. Vous êtes quoi le matin? Café? Chocolat? Bah il a justement l'artiste avec Awa Rimani, et puis notre invité tout à l'heure, c'est William Chancel, adjoint au maire, à la culture, à l'événementiel, il sera là en direct. Bah ouais, Sénégal, champion d'Afrique, bah, face à l'Égypte. Voilà. Ça c'est la télé sénégalaise, il y avait une grosse ambiance hier. Ça s'est fini au tir au but. Sadio Mané. face à l'Égypte et le Sénégal est champion. La Coupe d'Afrique, c'est pour eux. Bravo à nos amis sénégalais. Si justement vous êtes d'origine sénégalaise, vous êtes Orléans, eh bien appelez-nous. 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. 7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Francky Arc-en-Ciel. Et c'est bien Tintin le matin avec du soleil, El Rayance Dulso Lucenzo sur la radio couleur. Dame un beso, donne-moi un petit bisou ce matin en direct à la radio. Le King, Lucenzo. Dans la voiture, je vous ai vu. Courage à vous, c'est les vacances, un peu plus calme hein. Aujourd'hui, c'est cool. J'ai du bien de se reposer aussi. Hein. Salut à Doudou qui est en vacances du côté d'Orléans. Belle journée, Francky, je viens de me réveiller, je marque en ciel avec Lucenzo. Bah, ça tombe bien, mon ami. L'horoscope qui arrive. L'horoscope, c'est maintenant. L'horoscope, et on démarre avec les béliers ce matin. Vous devrez faire face à un problème familial imprévu aujourd'hui. Les taureaux, vous aurez du mal à garder votre calme. Alors, aujourd'hui, serein, les taureaux. Les gémeaux, quelques mises au point s'avéreront nécessaires. N'attendez pas, un malentendu s'installe. Les cancers, caramel, bonbons, chocolat, que de petites attentions que vous ne saurez refuser aujourd'hui. Les lions, vous serez en proie à de fortes émotions plutôt positives ce matin. Les vierges, vous ressentez trop de pression de la part de votre partenaire. Les balances, des désirs apparemment contradictoires émergent en vous. Les scorpions, des soucis professionnels ou financiers vous empêcheront peut-être de vous intéresser trop longtemps à votre vie affective. Les sagittaires, célibataires, vous multipliez les contacts sur les sites de rencontres. Alors foncez, oui pourquoi pas. Les capricornes, l'ambiance de vos amours va se refroidir aujourd'hui et les malentendus se compliquer. Donc positivez les capricornes ce matin. Les Verseaux, l'univers sentimental et de façon plus générale, tous les liens affectifs sont source de joie. Et les poissons pour finir aujourd'hui, tout nous manque. Est possible. Eh oui, l'être aimé n'est pas loin, peut-être. Peut-être à la machine à café ce matin au bureau. Bah ouais, vous descendez au sous-sol ou à l'étage. Ça se trouve, l'amour de votre vie sera peut-être là. Ça arrive des fois d'être là avec Wine Up, Angela qui arrive. Et puis on aura aussi Lady avec Easy Love sur la radio couleur. Belle journée et bon réveil avec la prise des Science au Bacro. Quelque chose, j'ai déjà croisé dans la ville. Je vais pas te mentir, j'ai pas maté tes choses. T'es la plus fraîche si tu veux mon avis. Vas-y, prends mon tel. Quand tu veux t'appeler, je serai à l'hôtel. Dans un nuage de fumée, je te vois derrière les vitres teintées. Ce soir, je vais quitter le rinté. Que je laisserai me descendre à petit feu. Angela. Sont mitigés, hein. La reprise de Sayan Supakru dans les 90, Angela par Attic. Heureux d'être avec vous, Dimitri. Ça y est, il est sur la route, hein, il va au boulot ce matin. Mon petit Dimitri peut nous appeler s'il veut. Dimitri, 0238 43 48 00. Et je l'adore, Lazara. Tu t'en iras pas tout de suite. En tout cas, moi je suis là jusqu'à 9h. William Chancel sera notre invité à 8h30. Même sans douter, tu diras que tu m'aimes, mais tu ne penses pas. Même sans bouger, même sans douter, je dirais que tu m'aimes pas et tu te lasseras. Mais moi je m'en voulais, moi je m'en voulais, moi je m'en voulais. Mais qu'est-ce que tu crois que jamais contre toi? Moi je m'en doutais. Ma faute, est-ce la tienne ou celle des autres? Moi j'ai douté, j'ai tant douté, j'ai trop douté. J'ai perdu la foi en l'amour d'autrefois. Moi j'ai broyé du noir à force de redouter. Tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi. Tu t'en iras. Sur la console, belle journée, bon réveil avec aujourd'hui la journée sans portable. Allez-vous y arriver? Eh bien justement, appelez-moi si vous allez tenter l'expérience sans portable toute la journée. Chiche, 02 38 43 48 00. Voici Mac Ronson, Uptown Funk sur la radio couleur. Bon réveil. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown Funk You Up. C'est le Hop, Hop, Side Your Head. C'est Hop, Hop, Side Your Head. Ah, c'était bon ça, hein. Mark Ronson, le son Funky Music. Heureux d'être avec vous. Bon courage à vous. Si vous allez au boulot ce matin. Et pour les autres qui sont en vacances, eh bien, allez profiter avec la famille. Ça fait toujours du bien. La météo qui arrive. La météo. La météo aujourd'hui, le ciel va être dégagé. Ça va changer d'hier. Hein. Hier, c'était vraiment pourri. Hein. Franchement, du soleil, des nuages, les températures vont monter tout progressivement tout au long de la journée. On sera à 10 degrés sur Orléans, Saint-Jean-de-Bray ou encore Fayolloges. Soleil et nuages pour 3 jours de soleil et de nuages. Ça, c'est la bonne nouvelle. La plus belle journée, ça sera mercredi cette semaine, jusqu'à 12 degrés et que du soleil, c'est nous dit Météo France. Jeudi, malheureusement, le retour de la pluie, ainsi que vendredi, ça va être mitigé. Samedi, retour du soleil avec quelques nuages. Et dimanche prochain, malheureusement, la pluie sera de retour. Bah ouais, on est comme ça. Sur Radio Conseil, on vous donne la météo à 4 jours. Ça, c'est bien. Easy Love qui arrive. Ça, c'est le meilleur des souvenirs. Dans les années 2000, elle cartonnait à l'époque. Numéro 1 des clubs, quand même. Avec Ladies, bon réveil, belle journée. Notre invité, 8h30, William Chancel, adjoint au maire, chargé de la culture, de l'événementiel et du tourisme, sera là en direct sur la console pour répondre à nos questions, des questions très simples. Hein. Comment elle en est arrivée là? Quels sont les projets pour 2022, pour la culture, pour l'événementiel, qui sort d'une impasse un peu après le Covid, comme beaucoup de personnes d'ailleurs. On en parlera avec lui en direct, ne ratez pas l'interview. Heureux d'être là, la Camisa Negra qui arrive, on aura aussi Luis Fonsi, El Chope La Culpa. On vous souhaite une très très bonne journée. Radio Concert en direct dans moins de 10 minutes. Il arrive notre invité William Chancel, adjoint au maire chargé de la culture, l'événementiel et du tourisme. Il sera dans les studios. D'ailleurs, il est arrivé, le tout café. Et puis hier, la Coupe d'Afrique champion. Les Sénégalais face aux Égyptiens. Écoutez, et voilà. Et c'est fait. C'est fait. Bravo à nos amis Sénégalais. Les Lions, champions d'Afrique face à l'Égypte hier au tir au but, ça s'est joué. Bravo nos amis égyptiens. Ah, un peuple en euphorie ce matin. D'ailleurs, si vous êtes sénégalais du côté d'Orléans, ben, appelez-nous, venez témoigner si vous avez vu ça avec la famille, peut-être en direct sur Internet. Le Sénégal est champion d'Afrique. Ça fait plaisir. Dans moins de 3 minutes, il arrive notre invité. Il est au café. Ça me fait plaisir de le recevoir. C'est la première fois qu'il vient sur Radio Arc-en-Ciel. William Chancel sera en direct dans moins de 3 minutes. Juste avant, le meilleur des souvenirs, les boules à facettes qui vont revoir le jour le 16 février en France. La réouverture des discothèques avec bien sûr pas mal de contradictions. Mais ils seront là le 16 février. Voici les Brothers Johnson en direct et Samba. Et juste après, William Chancel qui arrive. En direct ce matin, 8h31, histoire de vous mettre de bonne humeur, un peu de son funky music dans les années 80 avec les Brothers Johnson et Stomp, notre invité qui arrive. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. L'invité du jour, William Chancel, adjoint au maire, chargé de la culture, de l'événementiel et du tourisme, est notre invité ce matin. Bonjour William. Bonjour Franck et bon dia à tous. Ah bah tu es portugais Non mais... Ah bah tu connais bon dia alors. J'aime beaucoup le portugais. Là. Alors c'est une radio de tendance portugaise, mais éclectique aussi, hein, de tout, du rock, de l'espagnol. Du disco. Du disco aussi le matin, et ça fait du bien. Absolument. Heureux de te recevoir pour la première fois sur Radio Arc-en-Ciel, alors beaucoup d'élus. sont passés à la radio, hein, on en a fait depuis quelques années. On est vraiment touchés de te recevoir ce matin, c'est ce que me disait la présidente tout à l'heure au téléphone. Et, ça me fait très plaisir aussi, merci de votre invitation. Voilà, et ben merci pour 34 ans de Radio Arc-en-Ciel, voilà, tu dois être le 3350e invité. Alors, comment que ça se passe? Comment t'en arrives aujourd'hui à être adjoint au maire, chargé de la culture, l'événementiel, du tourisme? Ça pèse pas trop sur les épaules, comment t'en arrives là toi aujourd'hui? Écoute, c'est toujours un petit peu des hasards, des rencontres qui font qu'un jour bah tu as envie de donner un peu de temps pour ta ville parce que tu la trouves belle et elle s'est embellie. C'est vrai que ça s'est embellie. Elle s'est beaucoup embellie et c'est vrai que j'ai eu envie de m'engager un moment et que quand Serge Rouard m'a proposé d'être sur sa liste, et j'ai pas hésité et puis une chose en entraînant une autre, je me suis retrouvé avec ces belles délégations. C'est vrai que le milieu culturel est un milieu que j'aime particulièrement. Mmh. Je me suis toujours beaucoup intéressé notamment à la littérature, j'organisais pas mal de festivals et de choses autour de la culture et puis voilà, je me suis retrouvé là il y a un an et demi maintenant dans un contexte un peu particulier. Ouais, c'est vrai, pas facile pour vous malheureusement avec ce Covid qui nous a touché de plein fouet, qui a touché beaucoup de personnes, hein, que ce soit culturel, événementiel, enfin, beaucoup de gens ont souffert du Covid et souffrent encore malheureusement. Tout à fait, ouais. Et il a fallu effectivement faire preuve d'un peu d'agilité, si je puis dire, pour répondre au mieux à la situation et notamment à l'emploi dans le secteur culturel et événementiel qui a été particulièrement touché. Et c'est vrai que aujourd'hui encore, les conséquences sont loin d'être terminées. Donc, on essaie d'être le plus possible en appui à toutes ces personnes qui ont beaucoup souffert, que ça soit sur le plan évidemment sanitaire, mais également sur le plan économique. Sur la culture, sur l'événementiel, sur le tourisme, c'est vrai que les aides, entre guillemets, ont un peu tardé sur ce genre de situation. Ça a été compliqué, les aides au début. Ça s'est mis en place au jour le jour, avec le temps. Disons qu'effectivement, c'était une situation tellement inédite que tout le monde a essayé de trouver les solutions et ça n'a pas toujours été aussi vite qu'on l'aurait voulu. Côté ville d'Orléans, on a essayé d'être le plus réactif possible. Mmh. On a mis en place très rapidement un fonds de soutien de 250 000 euros pour soutenir donc les acteurs de la culture et de l'événementiel. Et puis on a mis différentes mesures en place, notamment des soutiens aux libraires aux acteurs de l'événementiel. Je me souviens du marché de Noël l'année dernière qui a pas pu se tenir dans les conditions habituelles, mais on a essayé de faire un effort tout particulier pour que les différents professionnels de l'événementiel du bassin orléanais puissent quand même travailler et avoir des fiches de paye à la fin du mois. C'est vrai, moi j'y suis allé au marché de Noël, j'ai trouvé ça un peu changé malheureusement avec le Covid. J'avais l'impressentiment qu'il y avait plus de monde autour du marché de Noël qu'à l'intérieur. Je sais pas si tu as eu ce même ressenti. Alors cette année c'était aussi particulier. C'était le pass obligatoire. Voilà, c'est vrai qu'on a été soumis à beaucoup de contraintes, que ça soit des contraintes Vigipirate, des contraintes sanitaires avec l'obligation du pass. Tout ça évidemment tape un peu sur le moral parce que on se donne énormément et les exposants se donnent énormément pour essayer de proposer des choses intéressantes. On est soumis à beaucoup de contraintes. Écoute, j'espère que cette année 2022 va être enfin une année de renouveau. On entrevoit quand même des perspectives un peu encourageantes pour la suite. Moi, j'ai envie d'être optimiste. On a tous envie de l'être parce que voilà, je pense qu'on en a tous marre de porter ces masques, d'être soumis à tous ces contrôles. Donc voilà, j'ai envie d'aller de l'avant un peu comme tous mes collègues du conseil municipal. Est-ce qu'autour de toi, tous les gens de la culture, de l'événementiel, du tourisme gardent le sourire, gardent la pêche, qu'on envie de travailler encore, sont plus motivés ou alors ont perdu leur motivation, ont lâché l'affaire entre guillemets, ou alors tu les sens comment, tous les gens que tu côtoies autour, que ce soit tous les niveaux, du tourisme, l'événement, la culture, ces gens-là sont comment aujourd'hui moralement, physiquement, beaucoup atteints. Écoute, oui, il y a eu pas mal de vagues, comme tu le sais, et puis il y a pas mal de creux de la vague aussi. Mmh. Mais je sens qu'aujourd'hui le moral est là. Moi, je tiens vraiment à saluer tout ce que font tous ces acteurs, que ça soit les artistes, que ça soit les techniciens, enfin tous les professionnels de ce secteur professionnel. Pardon. qui sont effectivement plein de résilience comme on dit maintenant et surtout plein d'envie. Le printemps arrive bientôt, on sent que ça y est, il y a plus de jauge dans les salles, les projets se remettent en place et c'est eux qui sont vraiment des forces de dynamisme et d'entraînement si je puis dire pour notre ville. Donc je sens que le moral est en train de revenir et que les projets arrivant, voilà, le moral revient aussi. Et ben tant mieux, le 2022, on va parler de positif. Exactement. Dans le bon sens entre guillemets, hein. On va pas être Covid, pas trop non plus. 2022 est là, bien installé. Ça y est, des projets pour toi qui vont voir le jour aujourd'hui. Oui, beaucoup de projets, effectivement, de beaux projets dans tous les aux quatre coins de la ville, si je puis dire. Il y a évidemment pas que le centre-ville, et c'est quelque chose auquel je tiens. C'est important pour toi d'aller un peu aux quatre coins de la ville, comme tu dis. C'est essentiel. Mmh. C'est essentiel parce qu'une ville, c'est évidemment pas qu'un cœur, même si ce cœur battant fait que les gens viennent et se sentent bien dans le centre-ville d'Orléans. Mais c'est très important aussi d'aller dans les quartiers, d'aller tendre la main et surtout tendre l'oreille à ce qui se fait au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Je pense notamment à la saison culturelle pour le jeune public, dont le théâtre Gérard Philippe à La Source. À La Source, voilà. Magnifique théâtre. Hein. Ouais, super théâtre avec beaucoup de spectacles, une très belle programmation. Mmh. Voilà, moi je durant ce mandat, je vais vraiment mettre l'accent sur la politique pour la jeunesse et le très jeune public avec beaucoup de spectacles. Hier, on en avait un très bel exemple. Hier matin, je suis allé avec mes filles écouter l'Orchestre Symphonique d'Orléans qui proposait un très beau spectacle pour toute la famille avec Pierre et le Loup. Voilà, mais sympa, ça. Hyper sympa. Mmh. Hyper sympa. Et je peux te dire que le théâtre était plein d'enfants. Ça faisait du bien à voir. Du boom dans le cœur pour les enfants, puis plein les yeux aussi. Exactement, plein les yeux, plein les oreilles avec tous ces musiciens très généreux. Voilà, qui étaient heureux aussi de retrouver leur public en jauge pleine. Voilà, donc beaucoup de beaux projets. Et puis à l'arrivée de cet été, notamment, on fait la deuxième édition de l'été essentiel, qui était un festival qu'on a fait l'année dernière au Campo Santo, qui réunira pendant 5-6 jours. Beaucoup d'artistes et puis surtout un maximum de public. L'idée, c'est de s'adresser la fameuse phrase de 7 à 77 ans. Là, ouais, c'est ça, même comme sur les jeux de société. Exactement, hein, de 2 à 102 ans. Tu parles de la salle Gérard Philippe un peu autour. Bah, on a tous les. C'est important aussi de valoriser un peu les quartiers sensibles. Peut-être que les jeunes, justement, des quartiers qui s'ennuient, entre guillemets, ou qui ne savent pas quoi faire, peut-être que ça peut les sensibiliser et aller dans les lieux culturels comme ça pour voir du spectacle. Exactement. L'idée, c'est d'aller vers le public et pas toujours d'attendre que le public vienne dans les salles, parce que c'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple. Donc pour ça, on s'appuie sur pas mal d'associations. Je pense notamment à OP45 qui fait du hip-hop et qui en fait très très bien. Voilà l'idée. Je pense également à Défi ou à Musique Équilibre. Escale aussi, j'ai vu. Escale, évidemment, autant d'assos qui font depuis des années un boulot de terrain magnifique. Ça fait des années qu'ils se battent. Années, hein. Franchement, ils ont le cœur sur la main là. Exactement. Hein, motivés. Je salue Karim d'ailleurs qui est là-haut. Ouais. Au passage, hein, qui est un bon pote. Ouais. Bah ils sont vraiment super. Et voilà, l'idée, c'est pas forcément de réinventer l'eau chaude, mais c'est de permettre aux acteurs de se parler, de travailler, et puis de nous faire voir les belles choses dont ils sont. Plein de belles choses. Voilà, exactement, toutes ces belles choses. Et puis je tiens juste à faire une petite parenthèse sur un beau projet que la ville porte, qui s'appelle Demos. Qui est un orchestre monté à partir de cette année avec des enfants de CE2 issus des quartiers prioritaires, donc au nord et au sud d'Orléans. Et puis voilà, ces enfants vont apprendre à jouer un instrument de musique classique. Ça, c'est bien. Voilà. Et totalement gratuit. Totalement gratuit. Parce que les cours, c'est pas donné pour les gosses. Là, les gens de quartier, des fois, bon, c'est un peu difficile. Exactement. Ouais. Et là, l'idée, c'est justement de leur mettre en accès la musique classique pour que dans 3 ans, ils puissent jouer en orchestre à la Philharmonie de Paris. Bah, en tout cas, plein de beaux projets. Il y a Mathieu qui me demande, justement, j'ai noté la question, par rapport au festival de jazz 2022, y aura-t-il cette année un festival de jazz dans les beaux jardins de l'évêché, si je me trompe pas? Alors, c'est la grande question. This is the question. Le jazz à Orléans existe et existera parce qu'il y a, voilà, c'est un terreau extrêmement fertile et historique. Maintenant, l'idée n'est pas de refaire un festival de jazz tel qu'il a existé, mais plutôt de faire de faire un festival qui soit pluridisciplinaire où le jazz a toute sa place. Voilà, et vous inquiétez pas, vous aurez du jazz Orléans en 2022 et les années suivantes. Justement, on avait l'impression que Orléans tournait beaucoup autour du jazz. C'est la réalité aujourd'hui, William? Moi, j'ai envie de m'ouvrir à d'autres formes de musique aussi, parce que je pense qu'il y en a pour tous les publics. On voit comme l'Orléanaise, qui est une association de musique électronique, fonctionne bien Orléans. Ils ont joué au Jardin de la Charpenterie. Ils rejoueront cette année. Voilà, j'ai envie de m'ouvrir aussi à du hip-hop, à toute forme de musique. Je pense que le jazz a toute sa place, mais toutes les musiques ont toute leur place, si je puis dire. Il y a les step by step, comme exactement. On dit. L'Astrolabe 2, Vrai, pas vrai? Ils vont déménager du Baron. C'est vrai que la salle n'est pas facile, l'accessibilité n'est pas facile. Bon, elle commence à vieillir un petit peu avec la patinoire. Est-ce que ça va changer ou pas aujourd'hui? On a la question, la réponse. L'Astrolabe 2, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ah, voilà. Déjà, t'as mis du baume au cœur pour certains qui nous écoutent. Non, mais voilà, on en a beaucoup discuté. C'est un projet qui date pas d'hier, bien évidemment. Mais avec toute l'équipe de l'Astrolabe, on a beaucoup discuté pour essayer d'avoir un projet qui soit bien ficelé. Donc voilà, aujourd'hui on a le go pour y aller sur une deuxième salle qui partira sans doute, enfin l'Astrolabe partira sans doute de la salle du Baron qui, comme tu le dis, était assez vétuste. Maintenant il faut qu'on arrive à trouver la bonne salle, le bon endroit pour pouvoir faire le plus beau projet qui puisse réunir le plus de gens possible, et puis que l'idée soit pas de reproduire un Astrolabe tel qu'il est aujourd'hui, mais justement de l'améliorer. Et de permettre que ça soit à la fois un lieu de musique et un lieu de vie. Mais justement, on me demande, est-ce qu'on peut pas dépasser l'Astrolabe au Comet qui va avoir le jour dans quelques temps? C'est une question encore. C'est une bonne question, mais la vocation de Comet n'est pas celle de l'Astrolabe. Alors, sans rentrer dans des détails trop techniques, l'Astrolabe est sur des jauges un petit peu plus petites, et puis c'est pas du tout les mêmes fonctionnements. L'Astrolabe est ce qu'on appelle une scène de musique actuelle, donc c'est labellisé par l'État, donc il y a tout un ensemble en fait de normes à respecter. Et je pense qu'il est bien mieux que l'Astrolabe ait sa propre salle, et que Comet puisse lui-même avoir son propre programme pour que tout ça vive harmonieusement, et puis qu'on puisse avoir aussi des publics différents dans Orléans, et que chacun puisse trouver son compte. Justement, tu parles de Comet, tu me tends la perche. C'est un gros projet qui sort d'Orléans. Ouais. Est-ce que ça n'a pas coûté trop cher à la ville? Après, toi, tu connais pas tout ce qui est tarification. Mais bon, c'est vrai que c'est. Mais bon, il faudrait dire que le Palais des Sports a commencé à être Vétus, vieillot, le parking, bon, il n'y en avait pas quasiment. Pour aller voir un match de basket, il fallait tourner 15 fois. Enfin, il y a plein de questions comme ça qui remettent en question, hein, peut-être qui vont servir à plein de clubs sportifs, Comet. Ouais, c'est effectivement un équipement qui est loin d'être anodin. Hein. C'est comme les Orléanais peuvent le voir quand ils sont sur la tangentielle, c'est effectivement un gros investissement, gros équipement. C'est un phénix là qui sort. C'est un phénix. L'idée, c'est que moi, je suis pas comptable du passé, mais par contre, on a envie de regarder vers l'avenir et de faire que cette salle soit la plus à répondre au plus d'attentes possibles. Elle aura à la fois vocation à être un palais des congrès, un palais des expositions, et puis cette grande salle qui fera 10 000 places, qui pourra accueillir des événements nationaux et internationaux. Voilà, avoir l'offre la plus complète possible, que ça soit musicale, sportive, de conférences, etc., pour à la fois proposer du spectacle culturel, sportif, réunir beaucoup de monde, et puis aussi favoriser l'attractivité touristique d'Orléans. Parce que, comme tu le disais, je suis, même si c'est pas moi qui suis directement ce dossier, je suis délégué notamment au tourisme, et c'est fondamental d'arriver à articuler le mieux possible la culture, l'événementiel et le tourisme. Bah justement, tourisme, on a une heure de Paris quand même. C'est ça aussi, il faut se dire. Hein. On a une heure de Paris. Je suis sûr qu'il y a des Parisiens qui vont mettre moins de temps d'aller Orléans-Paris à Comet que des fois aller au boulot le matin. C'est évident. Et beaucoup de Parisiens aussi qui mettront beaucoup moins de temps à aller à Comet que d'aller Porte de Versailles ou à Villepinte. Donc c'est aussi tout l'enjeu. C'est de pouvoir proposer une grande salle à vocation quasiment internationale à une heure de Paris. Ça, c'est fondamental. Quels sont les programmes qui arrivent là dans les jours à venir? Pour l'événementiel? Pour l'événementiel. On pose la question justement sur l'événementiel. Qu'est-ce qui arrive dans les fourneaux là? Alors dans les fourneaux. Le printemps arrive et effectivement on va avoir pas mal de rencontres. Alors moi j'invite les Orléanais à pas hésiter à aller évidemment sur le site de la ville, mais aussi sur le site de ses établissements partenaires. Que ça soit l'Astrolabe dont on a parlé tout à l'heure, le théâtre, le centre chorégraphique, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Le Campo Santo va bientôt être occupé par différents événements. C'est un super endroit le Campo Santo, je trouve. C'est un super endroit. Merveilleux. Et puis moi j'ai envie qu'on continue à lui donner cette vocation pluridisciplinaire, pouvoir l'ouvrir au plus de monde possible. Les Orléanais verront bientôt, pour répondre directement à ta question, dans leur rue fleurir bientôt de grandes statues. Qui feront parfois plus de 2 mètres de haut, qui sont les statues d'un grand artiste allemand qui s'appelle Markus Lüpertz, qui est un artiste aujourd'hui un des plus grands de sa génération, qui nous fait l'amitié d'exposer ses sculptures dans Orléans. Vous n'allez pas être déçus, c'est un magnifique parcours au sein de la ville et qui rejoindra également le musée des Beaux-Arts qui a travaillé très fort à mettre en place cette exposition Grandeur Nature. L'idée, c'est de pouvoir mettre de l'art et de l'art contemporain au centre de notre ville, et que les gens puisse l'avoir au pied de chaise, si je puis dire. En tout cas, heureux de te retrouver ce matin. Il y a Nicole qui me pose une dernière question. Le Festival de Loire, le retour aussi dans deux ans? Oui, c'est ça. Alors, le Festival de Loire, toujours tous les deux ans. C'est énorme. Avec toujours des surprises et puis de plus en plus de monde à chaque fois. Ouais. Moi, je tiens vraiment à remercier tous les services de la ville qui ont fait un boulot énorme pour le dernier Festival de Loire. C'est pas facile. Parce qu'il a fallu gérer des contraintes sanitaires, comme tu l'imagines. Mais je crois que ça s'est vraiment extrêmement bien passé. J'ai la chance de pouvoir travailler avec Jean-Pierre Gabel sur ce festival. Qui est venu à la radio il y a trois mois, je crois. Voilà, Jean-Pierre qui fait un super boulot sur les fêtes de Jeanne d'Arc qui arriveront d'ailleurs bientôt aussi. On essaye de faire de s'enrichir en fait de notre tradition tout en innovant à chaque fois. Donc que ça soit sur les fêtes de Jeanne d'Arc ou le Festival de Loire, toujours proposer plus de culture, plus de découvertes et de nouveautés. Tout l'enjeu d'Orléans qui devient une vraie ville jardin, c'est aussi de mieux investir l'espace public, si je puis dire, et ça sera un des axes forts de ce mandat. En tout cas, on est motivé avec quelqu'un comme toi qui a l'air passionné. Vraiment. Un dernier mot à rajouter avant de se quitter, William Chancerel, notre invité ce matin, pour terminer cette belle interview. Il y a tellement de choses à dire, tu me diras. Après, on peut retrouver toutes les informations sur Orléans Métropole. Dernier mot, peut-être déjà te remercier, Franck. Merci à toi. C'est un vrai plaisir d'être, on est là pour ça. D'être là. Merci pour le boulot de Radio Arc-en-Ciel qui fait un vrai boulot de terrain et qui parle aux Orléanais. Je trouve que vous êtes un vrai. Nous, on est local, on peut pas faire mieux. Hein. On peut pas faire mieux et ça, c'est vachement important. Et puis, comme tu le disais, effectivement, la passion qui doit nous animer. Si nous, élus, sommes pas passionnés, on n'arrivera pas à transmettre cette envie de faire connaître et mieux connaître cette ville qui est toujours à redécouvrir. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. William Chancerel en direct sur Radio Arc-en-Ciel. J'espère te revoir prochainement. Grand plaisir. Sur les différentes activités de la ville, que ce soit le festival de jazz, Axa, l'Astro, n'importe quoi, le culture. Eh bien, viens nous faire un petit coucou, même au téléphone. On n'est pas obligé de venir en studio à chaque fois, mais au téléphone, pourquoi pas. Avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup. En direct ce matin, William Chancerel, 8h48. j'adore. C'est pas mal ça. C'est la bande originale de je sais plus quel film là. Un truc de fille. Tu vas se lever, non? Un truc de fille. Non mais c'est vrai, ouais. C'est un truc de fille. Là, je suis plus 9 semaines et demie, je sais plus quoi là. Non, ou. Et il y a des bouquins écrits là-dessus, bon, je sais plus. Il y a bien une fille qui va nous dire ça par texto. Si vous écoutez la radio, dites-nous par texto quelle était la bande originale de. Ouais, parce que lundi matin, il y a un trou de mémoire. La chanson est belle. C'est sympa, hein. Love Me Like You Do de. Ouais, je sais plus ce que c'est. Là. C'est pas Nuance Degrés, ça, non? Voilà, c'est ça. Bah, voilà. Bravo. Bah, toi, tu. Cette culture. Et Katia qui nous dit 50 Nuances Degrés. Bah, voilà. On a trouvé. Ouais. Merci, les filles. Bah oui, c'est un truc de filles, ça. Bah oui. Ah, moi, je pouvais pas connaître, moi. Ça va, JP? Ça va, et toi? Sympa, William, hein. Ouais, sympa. J'ai écouté l'interview en nom. Ouais, c'est ça. Ouais, responsable de la culture en Orléans de l'événementiel. Ils ont souffert un peu, puis ça n'a pas été facile pour lui, hein, parce que. Non, c'est clair. En tout cas, il y aurait des belles choses qui se préparent en Orléans. C'est ce que j'ai entendu, et puis c'est bien, parce qu'Orléans est une ville qui bouge, donc ouais. Non, c'est très bon, bien. Pour avoir des passes, je te filerai des passes si tu veux. Avec un grand plaisir. C'est super sympa, en tout cas, William, hein, super sympa. Ouais, ça me fait plaisir de redécouvrir comme ça des gens encore gentils sur Orléans. Ouais, ils sont rares. Tony Carrera, tu as été, toi, dimanche, non? C'est qui? Ah, non, je déconne. Je déconne parce qu'on va recevoir des messages. On va gueuler, hein. Je déconne. Non, on déconne. Hey, on déconne le Portugal. Tenez qu'à. Non, j'ai pas été. J'ai vu des vidéos. Ça avait l'air d'être sympa. Sympatoche, hein. Sympatoche, le Tony Carrera. C'était sur scène hier. Alors, il fait un truc que j'ai vu. Là, il l'a fait, il fait samedi à Paris et là à Orléans. Il y a 8 ans. Il va dans le public maintenant. Sur la fin, je crois, à la fin du show. Il y a fait le truc Covid. Il va dans le public. Donc. Il embrasse les gens, non? Bah, il va rechoper le Covid. Hein. donc voilà, mais bon, ça peut. Ouais, non, c'est sympa. Bon, bah écoute, hein, on le salue au passage, mon vieux Tony. Oui. Ouais, ça me fait barrer, toi. L'émission qui va démarrer dans quelques minutes. Bien sûr. Il y a quoi au programme encore? Des offres d'emploi, toujours. Ah, ouais, encore. J'aime bien ça. Il y a encore des mecs qui trouvent pas de boulot, là. Ouais, c'est ça. C'est dingue, ça, quand même, hein. Je croyais que tout le monde avait du boulot aujourd'hui. En plus, il y a des places de maçons, non? Ben, c'est ça. Il y a des maçons, cuisiniers, il y a un ravaleur peintre, peintre. Allez, il y a personne en veut de cette place-là. Non. Les gars, motivez-vous un peu, là. Voilà, ben, c'est les vacances, là. Ah oui, c'est vrai que c'est des vacances, ouais. Ouais. Donc voilà, donc tranquille, hein. Il y en a plein qui sont partis au Portugal. Il y a Monsieur Faria qui m'a dit bon dia, belle journée. Donc voilà, bon dia, Monsieur Faria. On l'écoute. Il nous écoute sur le téléphone portable. C'est bien. Avec l'application. C'est bien. Fais attention de pas tomber. Ouais, non, mais il conduit pas. Il est à côté, il dort dans la bagnole, lui. Hein. Ah oui. C'est la femme qui conduit. Ouais. Il a bien raison. C'est ça que c'est bon. Bon, bah, on va te retrouver dans moins de 5 minutes. Hein. Ouais, c'est ça. Juste avant, c'est Louis Fonsi à Chopin la Coupa. Bon, à tout de suite, Jean-Pierre. À tout de suite, mon Francky. Allez, belle journée. Avec Jean-Pierre qui arrive dans 3-4 minutes. On vous souhaite une très très bonne matinée en direct à la radio. 8h55 minutes. Bandi à la planète. Échappé la copa. C'est Louis Fonsi sur la radio couleur. Bon réveil. Et moi je vous retrouve demain, 7h. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la mano.